En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 84 de la soirée du podcast. Yeah. L'alignement départ pour le podcast de ce samedi soir. Le numéro 31, JF Mellette, et votre animateur, le numéro 75, JF Comp. Bonsoir, JF. Bonsoir. Épisode spécial aujourd'hui. On a décalé d'une journée et puis on fait un genre de pré-match là, pour... Ouais, c'est ça comme un peu hockey 360, mais mieux. Ben oui, mais c'est pas dur à battre de quand tu pars du plancher, tu sais... Alors, nous sommes un show de discussion sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. On vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson. Je vais tasser comme ça, le verre de la shot. Des sujets chauds par des couverts par des gars semi-chauds. Tu sais, pour l'instant, là... C'est ça, on commence la soirée. Surtout toi avec ta Coors Light, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Là, c'est... Ah, je vais en avoir jusqu'à demain matin, je sais. Fait que, JF, on fera pas de pré-show, on fera pas de période, on fera rien ce soir. On va y aller d'une traite, là, on va se faire un genre de 45 minutes, une heure de discussion sur ce qui se passe avec le CH. Avant de commencer, rappelons deux choses. Premièrement, aux gens, il vous reste toujours deux journées, si vous écoutez ça aujourd'hui, pour le pool de la soirée du podcast. Inscrivez-vous en grand nombre. Ouais, vous êtes où? Vous avez besoin de conseils? Demandez-nous là, on va vous aider. Écoutez l'épisode qu'on a fait, l'épisode 83, que JF a donné tout plein de conseils et de pognes dans de le hint. Pool. Toujours important de savoir que c'est un pool de scoreurs, c'est un pool de marqueurs qu'on fait. C'est ça. Donc, allez vous inscrire, c'est gratuit, puis partagez le post du pool, puis vous pouvez gagner des sous-verts. Allez voir ça, il y a des sous-verts, c'est une pratique. Pratique, ça. Ouais, voilà. Et puis, on veut remercier aussi nos Patreons, JF. Oui. J'ai la liste cette fois-ci des Patreons. Veux-tu lire le nom de Patreon? Voilà. Ben oui, j'espère que je massacrerai pas votre nom. Là. C'est le Alexandre Angers, Alexandre Brisebois, André Hull, qu'on jase souvent sur Twitter, je te salue. Tchernobyl. Tchernobyl. Tchernobyl. Voilà. Yves Brouillette. Avec qui on a eu une discussion enflammée tantôt sur Facebook. Ben oui, Yves. C'était très poli. J'aime ça discuter avec les fans de la soirée du podcast. Quand les gens sont civilisés, c'est intéressant. Étienne Cormier, non le moindre. Mr. Juice oui. Lui-même. Mr. Juice. Fait que non, j'aime ça jaser avec nos fans sur nos posts parce que ça reste quand même poli, même si ça brasse. C'est comme la soirée du podcast. C'est ça, c'est un peu ça la communauté qu'on a. On jase hockey. Ça jase fort, tu sais. Il faut que ça se passe dans le casque. C'est l'émotion, le hockey, hein. On est comme ça, nous autres, au Québec. Et voilà. Mais écoute, c'est ça, puis la politique, puis c'est tout. Ah, la politique. Allez voter. Voilà. Le message a été passé. Fait que, JF, on commence. Voilà. Comme ça. Quand comme ça. Prêt. Et écoutez-nous en direct sur lasoiredupodcast.ca. Sinon, sur Twitch, le Twitch de Young Media. Il n'y a pas moins censuré ma canette. Hein, non, mais on l'a nommé en plus en début de show, fait que, malheureusement. Fait que, non, JF, on est allé au Centre Bell pendant de voir une game pré-saison. Ouais. Et puis, on est allé tester un peu l'expérience client. Qui nous a été promis. Parce que ça fait des années, personnellement, que les deux, on va au Centre Bell. Fait qu'on est habitué à certains niveaux de hot dog trop cher puis de bière trop cher. Puis Molson nous a vanté dans les médias qu'il voulait changer l'expérience client, qu'il voulait améliorer ça parce que nettement, c'est ce qu'on a besoin à Montréal. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on résume notre soirée? Ou... Ben... Pour commencer, j'aimerais remercier la raison pourquoi on a les billets. Oui. C'est mon comptable, en fait, William et associé. Merci beaucoup pour les billets, pour la belle soirée. C'est un fan du podcast. Et puis, si vous avez besoin de quelqu'un qui sait compter pour gérer votre business, faites appel à M. William. Ah, c'est une belle plug, ça. Oui. Vraiment un show de plug à soir, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. On aime ça, là. En passant, j'en profite, même si tu me permets, JF, vas-y. J'aimerais remercier David Boisseau, un de mes collègues de travail, et puis Samuel Tremblay. Grâce à vous, on a atteint la barre des 450 likes pour notre show sur Facebook. C'est bon. Si c'est pas fait, si vous connaissez du monde qui tripe hockey, invitez-la à liker notre page. Alors, on va se rendre à 500. C'est l'objectif pour la saison. Alors, si on arrive à 500 cette année, je pense que je charle à Jameson, JF. Ah oh non, s'il vous plaît. Non, on a un bar. S'il arrive de quoi, il y a un divan à côté. Invitez vos amis en grand nombre. Oh, s'il arrive de quoi, je vais me coucher en haut. Là, ouais, c'est ça, t'es pas loin. Ça, c'est pas super. Il n'y a pas de stress. On peut-tu commencer sur le Centre Bell? Oui, là, c'est ça. Avec, non, honnêtement. Là, on est arrivé là. On est allé classique se parquer au milieu de la Gros-Châtière. Puis on est marché. Exactement. Puis on est allé se tenir un petit peu dans le courtyard là, derrière le Centre Bell. Ouais, c'est ça, dans le fond, l'entrée, là, si on peut appeler ça, il y a des briques avec le nom des joueurs, tout ça, ça atteint. Ben, première remarque, il n'y avait pas aucune Christie de poubelle nulle part. Non, c'est vrai, il était plus propre. C'était propre, mais il n'y avait pas de poubelle. J'ai comme pas compris. Mais en tout cas, on s'est fait achaler solide aussi. Ah, il y a plein de monde qui nous demandait de redonner de l'argent. Là. Chris, à côté du Sandbell, là. Dans le fond, c'est comme si le monde associait place les gens qui allaient au Sandbell à du monde qui avait de l'argent. Place de riche, c'est sûr, c'est ça. Là. Ah ouais. Mais la cinquième, la fille qui est venue nous voir, je suis comme, elle, là, si elle vient encore nous voir, je vais dire à JF qu'on change de place. Mais finalement, elle nous a indiqué qu'il ouvrait plus tôt maintenant, avant 16h, avant 18h en fait. Ouais, une chance qu'il est passé droit au but parce qu'on était sur le bord de l'envoyer chier, je pense. Mais ouais, on est allé en bas et on a découvert le nouveau food court le M2. C'est ça. Le marché quelque chose. Le marché de Montréal, je crois, c'est aussi simple que ça. Je sais pas. Je pense. Là. Allez voir nos photos. On a pris l'affiche en photo. Là, on a un post là-dessus. C'est ça. Puis il y a de tout dans le fond. Il y avait du sushi, il y avait de la pizza, mais de luxe. Il y avait aussi de la bouffe mexicaine puis des hamburgers du Texas. Mais tu sais, c'est quoi le message, par exemple, que l'organisation envoie en disant comme... Ouais, il y a une nouvelle offre, elle est dans la cave. Faut que t'ailles en bas de tout, là, puis c'est hors c'est parce de... que dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est l'entrée principale des gens qui rentrent au Sandbell en métro. Ouais, non, mais je comprends, là, mais tu sais, si leur offre, faut qu'elle soit une nouvelle offre améliorée, mets-moi-en au deuxième, au troisième étage, des restaurants de même. Là. En haut, c'était juste des hot dogs. C'est ça que dans le fond, ils ont voulu prendre en faire un genre de. Tu sais que c'est un essai. Comme, mettons, au promenade Saint-Bruno, au Maille-Champlain, la section restaurant. C'est le food court. Ben, c'est ça que j'ai l'impression que c'est. Pis... Mais ce genre de food court, là, c'est juste que. Pis ça, c'est pratique pour le monde qui arrive là avant la période de réchauffement. Tu sais, t'arrives au Sandbell. Ben, peut-être aller voir les prix de ça ou c'est. Non, parce que c'était pas vraiment après, quand on était arrivé. Il y avait du monde qui travaillait là, mais encore là, on se posait la question, ils vendent-tu des hot dogs? Ah, anyway, on voulait manger les hot dogs classiques parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait de différent maintenant avec les hot dogs. Ben, d'après moi, ça doit coûter quand même, peut-être, je sais pas moi, le double du prix de ce que ça pourrait coûter normalement. Parce qu'on a vu ça, après ça, on est allé au Tricolore, la mini boutique Tricolore Sport en bas. Qu'il y avait dans le sous-sol qui était. Il y avait des chandails de Paturity qui étaient en spécial. En fait, il y avait dans le gros Tricolore Sport, il y avait une zone, spéciale, puis c'était toutes les affaires de Pacho. Ouais, puis ils vendaient des morceaux de caca emoji, mais je comprenais pas pourquoi. Ben, c'était pour aller avec Patio, sûrement. Ouais, c'est ça. Puis non, c'est une belle boutique. Dans le fond, j'ai aimé. Tu sais, les conseillers sont là pour expliquer les prix si quelqu'un veut un jersey. Ouais, avec un nom j'ai vu te jaser avec une caissière de douceur de nouveaux t-shirts. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, je parlais du tissu. Puis là, me disait, ah ouais, les autres sont faites en carton. Puis là, je partais à rire. Puis non, c'était cool. Ouais, c'était plaisant. Ah ouais, ben moi c'est un gars jasé. Ouais, t'es un gars jasé. J'aime ça jaser. T'es un jaseux. J'étais jaseux, c'est ça. Puis, fait que ouais, là, on est allé faire du shopping. On a acheté deux, trois affaires. On est sorti de là. On est allé après ça à l'étage direct, je pense, parce qu'on avait monté directement en haut pour aller chercher notre bouffe. On était dans les blancs, donc on était à droite de la zone Molson X, dans le petit tournant. C'est ça. C'est rangé bébé, donc on voyait très bien. C'était une histoire. Ah, des beaux pour vrai, les places que tu as là dans le blanc, quand tu es bien. Ben, en fait, n'importe où dans les blancs, tu vois super bien la glace, puis tu vois à peu près ça. C'est ça, parce que quand tu es plus proche de pas de la baie vitrée, là, mais petit guardrail. Là. Le plus proche en avant de la section blanche, là, le mieux, tu vas voir la glace. En arrière, tu peux pogner un peu, des fois, le panneau. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu es trop proche de la glace, des fois, ce qui est moins le fun, c'est que tu vois pas nécessairement, mettons, l'autre zone comme il faut. Puis, tu sais, tu peux pas. C'est sûr que c'est ton expérience parce que tu vois le jeu de près. Mais quand tu es en haut, tu as la chance de voir la glace au complet. Puis, c'est à peu près, je te dirais, la même distance quasiment qu'on verrait à TV, là, plus ou moins, je trouve. Ah, à TV, c'est un peu plus proche que ça, d'après moi. Là. Ben. J'avais le feeling que c'était comme ça, mais c'est juste qu'on avait l'ambiance autour de nous autres. Tu sais, que quand quelqu'un compte un but, ça se lève debout puis ça triple. Ouais, on n'est pas allé voir une bonne game. On est allé voir la pay game pré-saison qui ont fait poignée, je pense. Ouais, on est tombé sur celle de la Floride. Là. La première défaite du camp d'entraînement, mais je m'attendais pas. Moi, je voulais voir les jeunes. Ben, moi aussi, où ce qui était rendu. On a vu. Ben, en fait, on en parlera tantôt, là, mais on a vu Domi. Ouais, Domi, sa marque on a sur vu le tout nez. Ce que, tout ce que Domi a donné dans le camp, on l'a vu là, puis ça s'est terminé assez rapidement. Mais avant ça, on est allé finalement tester l'offre des hot dogs maintenant, qui était supposément... Est-ce qu'il y avait parlé, Molson, que les hot dogs seraient améliorés? Ou... Je pense que c'est le monde qui a inventé ça. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de bien spécial. C'est plus toi qui mets ta garniture dans ton hot dog? Ça, je trouve ça correct parce que, tu sais, au prix que tu payes ton hot dog à 15$, là, le morceau, là... Puis en plus, faut que tu mettes tes propres affaires. Là. C'est comme, à un moment donné, tabarnak. Je pense que c'était comme 4,25 le hot dog pour vrai. J'ai pris le classique, deux hot dogs, une poutine, une bière. Ça m'a coûté 30$. Ça peut pas, ça coûte plus que 4,25 le hot dog parce que sinon, tu en as pour 8,50 pour deux hot dogs. C'est-à-dire que la poutine, elle coûte genre au-dessus de 10$. Ben, plus la bière qui coûte 10 et quelque chose. Ben, c'est comme si chaque show... Je sais pas, en tout cas, je me rappelle plus exactement du prix, là, mais c'était à peu près. Ça coûtait quand même 30$ tout ce beau combo-là. Puis après ça, plus tard, je suis allé me chercher un popcorn avec une bière, ça m'a coûté 20$. Ah, le popcorn, tu m'avais dit que c'était 7,5$. Le popcorn à 7,50$, ça coûte cher là, pour du popcorn. Puis c'est le même prix qu'au cinéma, je pense. Ah, je pense qu'au cinéma, même, c'est moins cher. Je sais pas. Parce que je sais que dans le fond, au cinéma, mettons, pour un popcorn régulier avec une grosse liqueur, là, ça me coûte 12$. Mais en tout cas, c'était très bon, les hot dogs, les grosses saucisses. Là. Ouais, c'est ça. Puis la poutine aussi, il y a du fromage spécial. C'était quand même du fromage de qualité. T'sais, on parle là, de la bouffe de qualité quand même. Là, mais bon, je suis un peu déçu pareil. Ça coûtait cher. L'expérience n'est pas améliorée tant que ça. Là, pour, non, c'est pareil. C'est juste dans le fond le court en bas qu'on n'a pas essayé. Puis, non, mais ça n'a pas coûté moins cher. C'est ça que je veux dire. Là, non, ça n'a pas coûté moins cher du tout. Puis même, je dois avouer que la poutine, la sauce était frette. T'sais, pour le prix qu'on a payé, là, c'était comme... sûrement que le bol venait de partir. Il était comme pas prêt, sauf qu'il était 6h30 quand on était là, puis ça ouvre à 6, ça fait comme des niaises, là. Ouais, ben, ça semblait être du monde, des étudiants qui n'étaient pas habitués, qui probablement, genre, ils étaient en essai. Ah, écoute, ça semble bel, là. Faut que ça roule, ça, là. Ah, on va voir, mettons, une grosse game contre Toronto ou Boston, là, ça va être le même staff. Je sais pas, on sera pas là. Ouais, ça c'est sûr qu'on sera pas on sera pas, à moins que on gagne de quoi, genre. En tout cas, sinon tout était quand même bien. Belle offre client, encore une fois, le Sandbell. Ah, c'est cool, dans le fond. Le Sandbell, c'était pas tout ouvert encore, les festivités. La section rouge, je mentionnais que c'était pas tout vraiment active là, non plus. Puis, Non, parce qu'il y avait encore des choses à laisser. Maintenant, même au début de la game, ils ont fait... C'est-tu nouveau qui font le genre de drapeau dans la foule? Ben, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, je peux te dire une chose. Le monde n'avait aucune synchronisation. C'est comme si après ça, les placiers avaient pris la serviette puis ils l'ont pas pantoute, on sert ça tout de suite. Ouais, le monde en dessous avait l'air de se dire comme c'est une méchante mauvaise idée tout ça. C'est ça, puis le monde qui s'assit là paye 250$ le billet. Enfin là, tu te fais cacher à vue pendant la mise au jeu initiale de la game. Il me semble que je serais en tabarnak. Faut là, que tu sais le drap vers toi. Ah, moi, j'aurais pris un canif, j'aurais fait un trou, mais je pense que tu peux pas rentrer avec un canif en partant au centre ville. Non, tu peux pas. Il me semble que Dave est déjà rentré avec un canif qui avait sur son porte-clés puis ils l'ont saisi. Ah, ben c'est ça, des petits Swiss Army. Des oublis comme ça, là, ouais, c'est des affaires qui arrivent. Ils prennent peu de chance au Sandbell. Tu peux même plus sortir du Sandbell. Non, c'est ça. Si après 6 heures, t'es rentré, c'est fini. Les fumées de cigarettes, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais non, tout le temps le fun d'aller au Sandbell. Ouais, c'est cool. Puis écoute, toujours une autre perspective différente de la game, tu sais. Ben, on a vu les choses différemment. C'est comme le coup de Domi qu'on a vu, nous autres. Excuse-moi, mais je pense que le monde, c'était l'hystérie au Sandbell. Ouais, mais au premier coup, j'ai comme fait comment ça? Il est déjà à terre. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a du sang. Puis là, on a vu les replays après ça. Ouais, parce que moi, dans ma tête, c'est comme, ah, il y a du sang. C'est rare que tu vois un gars saigner d'une shot. Là, d'habitude, ça prend plusieurs coups. Là, veux-tu aller de bord, vu qu'on a terminé? On peut en parler de la suspension de Domi, parce que je voulais qu'on fasse un retour sur le camp d'entraînement du Canadien. Mais on peut parler de Domi pendant qu'on est là-dessus. C'est comme le gros sujet de discussion, je te dis, depuis le début du camp. Ça faisait à partir de ça. Là. On va le voir là, ici, mais tu sais, tu vois très bien que l'autre, il veut pas se battre tant que ça. Il y a deux comme point de vue là, sur ce coup-là de Domi. Ouais, c'est ça, parce que Ekblad, là-dessus, ce qu'il faisait, c'est qu'il attendait que les arbitres viennent le protéger, ce qui est la pire chose à faire dans la Ligue nationale. Là. Excuse-moi, là, crise de cave. En voulant dire comme Chuck, il est tout petit, lui, je peux pas le pogner. Ekblad, il mesure quoi? 6 pieds? Il est 6 pieds 4, Domi, il est 5 pieds 10, je pense. Puis Ekblad, il est beaucoup plus gros que lui. Puis pendant toute la game, genre, il faisait des il graffinait Domi avec ses ongles longs. Il y a eu du slashing en arrière des jarrets. Ouais, c'est ça, tout le temps des coups en arrière du mollet, tout ça. Il l'a cherché. Puis fait que Domi, il a fait comme, ben, garde, c'est pas vrai qu'on va se laisser encore marcher ses pieds le Canadien de Montréal, même si on est petit. Ben, c'est ça, c'était comme. Il vient de battre. Le problème que j'ai avec ce coup-là, c'est que c'est un genre de bitch move total parce que. Pour engager un combat selon le règlement de la Ligue nationale, il faut que les deux gars aillent dropper les gants. Puis en ce moment, tu as juste Domi qui a droppé un seul gant. Puis pendant que Ekblad ne regarde pas, ce qui est une erreur d'Ekblad totale, sucker punch dans la face, tu sais. Ben, écoute. C'est comme blâmer un gars qui se fait couper en plein milieu de la glace comme pour se faire faire un coup de corde à linge parce qu'il coupe la patinoire avec la tête par en bas, là. Ouais. C'est de sa faute, mais en même temps, comme c'est la faute du gars qui l'a frappé aussi, tu sais. Mais, tu sais, il me semble, mettons, t'es dans la rue, là. Si un c'est ça, mettons qu'il y a quelqu'un qui est devant toi puis qui dit hey, je vais te casser la gueule sacrément, je t'ai cœuré là, puis tu vois qu'il a les yeux rouges esti puis commence à baver là. Tu regardes puis ça je dis c'est ça qu'il a fait avec Blad. Tu sais, me semble que t'es plus gros que lui, me semble la première chose que t'aurais faite c'est au pire tu mets ta main devant sa tête puis après ça Domi genre il va frapper dans le vide ou sinon tu le prends dans tes bras puis tu lui fais la prise du sommeil ou peu importe. Il n'a pas été responsable là-dessus. Oups, mon Siri. Ton Siri qui ouvre une map. Ben ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais on le revoit encore, là. Mais c'est ça. J'ai vraiment pas aimé de Domi. C'est comme. Il est émotif là-dessus. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sois pas tête folle, le Domi. Il faut voir qu'il se calme s'il est de même. On le connaît pas encore vraiment, son attitude à Montréal. On On sait pas, on sait que c'est le fils de Ty, puis Ty n'a pas l'air content non plus là-dessus. Non, on va mais le voir Ty, dans Ty est contre ça, parce que si je peux compter une histoire rapide, dans son année recrue... On va le voir Ty, là. Ouais, c'est ça. Check, il se ronge les ongles comme mon petit tabarnak. Ouais, ben c'est ça. À son année recrue, un moment donné, Domi a eu un incident avec Ryan Kessler. Ryan Kessler n'arrêtait pas de faire de la main, puis là, Domi était écœuré, puis Ryan Kessler s'est dit « Un nain qui veut se battre. » Fait que là, Kessler, il jette les gants, Domi aussi, mais Domi, il crisse un petit uppercut sur le menton. Mais les Domi, c'est parce qu'il s'entraîne à la boxe en dehors du hockey. Là. Il sait se battre. Il sait se battre, pas tu niaises pas avec il ça. Il est beau et petit, il peut te geler. Là. Ben, c'est ça qui arrive, parce que mettons, là, je te donne un exemple. Mettons, c'est pas Domi, puis c'est Plekanec, genre, qui se pogne contre Ekblad. Plekanec pogne les nerfs, puis il veut crisser un coup de poing sur avec Ekblad. Je pense pas qu'Ekblad aurait tombé à terre, puis aurait signé du nez, parce que. Non, il y a pas de technique. C'est pas où frapper. Mais Domi, c'est une machine à tuer. T'sais, lui, là, sûrement, là, qu'il avait un laser, puis il s'est dit, OK, je vais le poigner direct là. Là. Claire. Puis il tombe à terre tout de suite. Mais non, son mais père, il compte ça. Non, mais c'est clair, tu peux pas faire un soccer punch de même. En fait, soccer punch, selon Urban Dictionary, c'est pas la vraie définition. C'est un soccer punch, c'est un coup d'un côte qui fait perdre le souffle pendant que tu regardes pas. T'sais. Ah, OK, je savais pas que ça. Moi, je pensais que soccer punch, c'est quelqu'un qui frappe par en arrière. Non, mais j'ai été voir parce que je suis comme, OK, c'est vraiment la définition qu'on pense, soccer punch, puis c'était vraiment, ils disent, c'est un coup d'un côte pour te faire perdre un peu le souffle. Là. OK. Mais il parlait plus d'un bitch move, en fait, là, comme c'est un petit move de rat, là, comme un petit coup de poing. Ouais, c'est ça, mais. Ben... Fait que c'est pas. Ça vient déjà de mettre une réputation sur Domi avec le Canadien entre en autres, partant, puis il s'est même pas commencé, puis il a été banni pour ça. Pour le reste du camp d'entraînement. Puis c'est correct, c'est une bonne suspension. Là. Mais lui et Ekblad avaient déjà une rivalité depuis le junior. Ils ont joué 3 ans, les deux. Je pense qu'ils sont battus où est-ce qu'il était Domi avant aussi. J'ai vu un combat en 2016 sur Internet. Ah, apparemment, mettons qu'il était avec Phoenix. Ouais, avec Phoenix. Ça se peut ça aussi. Fait que les deux, déjà, il y a une historique. Fait que c'est l'émotion qui l'a emporté. Puis Domi, il était juste écœuré. Puis il a crissé un point saillot. Tu sais, comme quand t'as eu quelqu'un, puis t'as goût de slugger. Genre, toi, Gia, tu vises les murs. Mais Domi a eu ce petit moment de faiblesse-là. Puis je pense aujourd'hui qu'il le regrette sincèrement. Ah ouais, mais. Puis qu'il va il va avoir quelque chose à prouver maintenant en début de saison. Ouais, mais il est marqué. Puis c'est ça, il faut qu'il revienne fort. Il faut qu'il soit solide. Puis qu'il ne perde pas les pédales en revenant. On a besoin de Domi. Mais le message que ça te donne d'un côté quand tu regardes ça, là, mettons là, qu'on joue contre Boston. Puis Boston décide de faire des. Tu sais, Marchand, il lèche tout le monde. Des petits coups. Marchand, genre cochon. C'est le pire. Mais Marchand, il score des buts. Mais là, à Star, le message, c'est Marchand, que. Marchand, il score des buts. C'est ça. C'est... Mais là, à Star, là. Tu veux écœurer le Canadien, là? Fais attention parce que ça se peut que tu payes le prix. Là. À ce temps, on ne se laissera pas plisser les pieds. Ah, c'est correct, ça. Ça sera plus, mettons, les brise-bois qui disent fais plus ça ou Georges Larac qui envoie des fax parce qu'il a trop peur de se battre parce qu'il a trop mal au dos. Je pense que c'est un moment donné, genre, ça va brasser en crise durant la saison quand c'est vrai qu'ils ont des grosses équipes, comme, mettons, les rivalités qu'on a avec Ottawa, avec Boston, avec Toronto. Et puis, l'autre côté, Ekblad, 2 jours après, j'ai vu sa photo, Chris, il avait l'air d'un boxeur qui s'est fait casser le nez. Il s'est fait péter le nez complètement. Là, c'est en haut de l'œil. Il y avait les deux yeux au beurre noir. Ah oui, puis il a carrément dit, c'est pas fini, je vois le poignet. Il a carrément menacé Domi devant la caméra. Ça, Maximum 18 dans le Twitch, dans le chat de Twitch, qui dit que Ekblad avait déjà une réputation de slasher devant la ligue, puis c'est vrai, là. Ben oui. Puis c'est ce qu'on a vu dans le match, tu sais, quand on était là, c'était les petits coups derrière les mollets. Mais toute la game, c'était ça. Puis l'autre côté aussi d'Ekblad, c'est que c'est un gars qui a eu plusieurs commotions déjà, puis il a 22 ans. Fait que surtout, le monde a eu peur qu'il pogne une autre commotion parce qu'il est fragile de la tête, ce gars-là, en plus. Ouais. Tu sais, on sait jamais, mais s'il veut jouer cette game-là, je pense que ça va juste nuire à son club le 28 décembre. Décembre, votre calendrier, c'est le premier match canadien-Floride cette année. Là. Oh! À voir. Ouais, ça va être comme le traditionnel match entre Noël et le jour de l'an. Toujours cela qui est le fun parce que tu es souvent en congé puis tu peux écouter ça en pyjama. Et voilà. Avec un petit c'est quoi du eggnog là, le lait de poule. J'ai jamais goûté à ça. c'est-tu de l'alcool ça? Ouais, c'est fort. T'es pas obligé de boire ça, Jeff. Ok, non. Bois du Jameson, c'est ça qu'on aime mieux. Puis filme-toi après avoir du Jameson. Je ne suis pas prêt pour ça. On passe donc. Ouais, un retour sur le camp. Fait que qui t'a impressionné dans le camp? T'as-tu aimé le camp à date? Oui. Honnêtement, là, c'est pas. Garde Kotkaniemi pour après, parce que lui, c'est un cas spécial, là, mettons. Moi, dans le fond, là, dans le camp d'entraînement, j'avais aucune attente vraiment. J'avais juste hâte de voir les jeunes progresser. Puis si je peux commencer par le défenseur, là, un défenseur que j'avais le goût de voir, puis je me demandais où ce qui était rendu dans son développement, c'est Mike Riley. Écoute, lui, on a payé, on l'a eu pour des peanuts pour commencer à date limite des échanges. Puis, tu sais, le monde a commencé à dire, je m'en souviens à Chris, parce que Bergevin, il a dit, je suis pas un vendeur, moi, je suis un peu des deux juvents, puis j'achète. Puis, le monde l'a traité, il l'a envoyé chier, Marc Bergevin, cette journée-là. Ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Il a acheté Mike Riley pour un choix de 5e round en 2000, 19, puis on a encore 10 choix cette année en passant. Là. Puis écoute, ce gars-là, c'est, il fait clairement clown, puis je le vois même peut-être quand, jouer... Quand on est allé le voir au Centre Bell, lui il a sorti du lot dans la game qu'on a vu qui n'était pas une bonne game pour le Canadien. Il était très bon. Dans... Lui puis Josh Brooke. Ouais, Josh Brooke, c'est qui lui? Je veux que j'aimerais ça le voir. Il était repêché l'année passée, il est retourné au junior. T'en avais un autre, mais c'était en attaque, là, c'était Teasdale, mais les deux ont eu des contrats, je pense. Là. C'est ça, lui, il n'a pas de contrat, puis là, il a signé avec... Dans le fond, il va jouer avec Joël Bouchard. Là. Je crois qu'il jouait avec l'Armada, je suis pas certain, là, mais je pense que c'est un gars de l'Armada. Ouais. Fait que c'est le fun de voir ça. Toujours valider les informations qu'on vous donne parce qu'on n'est jamais sûr. On... Ouais, la tout boisson, un, des fois, tout pour un peu sa boisson. Là. Là, que... Puis écoute, c'est intéressant. Drouin, honnêtement, là, il fly. Tu sais, je veux pas m'emballer et dire que c'est un Guy Lafleur. Là. Oh, mais Chris, non. Là. Chris, il patinait. Il était beau à voir. Moi, j'ai pas, pour vrai, j'ai pas le même point de vue que toi, peut-être. Là. Que moi, je le voyais flyer. Puis je le vois flyer sur des séquences. Puis c'est tout le temps ça qui me dérangeait de Drouin. C'est qu'à un moment donné, il a l'air de comme. Il est comme Ovechkin un peu, tu sais. Power forward quand c'est le temps, puis après ça, puis il déconnecte, puis il fait plus rien. Là. Sauf que lui, dans le fond, il est rendu ailier, fait qu'il va se concentrer à l'offensive. Tu sais, dans le fond, sa job, ça va être couvrir le défenseur en arrière. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est le centre qui va faire plus de la job que lui le faisait l'année passée. Mais des fois, je le voyais comme arrêter de patiner. Je suis comme, ah ouais, lève tes patins, lève tes hosties de patins. Quand il flyait Drouin, là, je te dis, cette année, là, il pourrait exploser. Il pourrait aller. Ah ouais, patine, lève tes hosties de patins. Ah, c'est ça, je voulais. Faut que je fasse le ménage dans le soundboard. Là. J'ai comme seulement quelques extraits. C'est pas très bon. Puis Drouin aurait peut-être le potentiel de faire au-dessus de 60 points cette année, possiblement. Là. On confirme dans le chat que Teasdale jouait bien avec l'Armada. Okay, merci. Non, maximum. Maximum. C'est bon, déjà dénaturé le seul fan qu'on a en ce moment. Ouais, sur Twitch. Désolé pour ça. Ça, j'ai été impressionné. Puis même, je pourrais dire, on a vu Price, puis je l'ai trouvé sharp par séquence. Là, à un moment donné, il a fait un arrêt avec la mitaine, puis il est allé vraiment chercher la rondelle agressivement. Puis quand il fait ça, ça a tout le temps été des highlights pendant la saison. J'ai confiance en Price. Je sais que le monde chiale encore. Il faut juste qu'il soit constant. Il faut qu'il soit constant. Là. Mais il va regauler encore. Il avait bien gaudé la game, puis il avait gardé le Canadien dans la game, puis après ça, c'était tante Niemi. Ben, Niemi a de laisser passer deux buts. Il y a deux buts de merde. C'est pas là qu'il a comme garoché à part derrière le net, puis il avait juste laissé le net ouvert. Puis... Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est le deuxième but qu'il a loué. Sacrément, là. Puis en plus de ça, tu sais, dans le fond. Mais tu sais, c'est quand même, on s'en fout. On peut excuser aussi le fait que les Panthers avaient 5 minutes de powerplay juste avant, fait qu'il y avait le momentum solide. Puis en plus, les Panthers avaient mis leur équipe A sur la glace, tandis que nous autres, on était dans une période d'expérience. Puis juste une petite parenthèse en passant, Drouin va jouer au centre ce soir. Ah, c'est un essai? D'après moi, oui. C'est juste pour faire d'autres petits tests. Là. Mais bref, moi, c'est ça qui m'a impressionné au niveau du camp. Tatar, vraiment... Ah, Tatar, j'ai été content. Moi, c'est ce qui m'a impressionné un peu. Je m'attendais à moins de Tatar. Il aurait pu être présent puis se jouer comme un vétéran typique qui s'est juste glissé. Mais... Il a performé. Un gars que je suis surpris qu'on n'a pas entendu parler. En plus, tout, Tatar, il a déclaré qu'il allait faire 30 buts cette année, puis il a l'air d'être. Je peux pas dire. Qu'il... Il a pas déclaré qu'il allait faire 30 buts, il dit qu'il a le potentiel de faire 30 buts. Il dit je regarde de faire 30 buts avec les Canadiens cette année, puis tu sais, je vais pas dire qu'il s'en va vers ça parce que c'est le camp d'entraînement, puis toutes les équipes sont un peu n'importe quoi, mais j'ai aimé ce que j'ai vu, fait que j'ai hâte de voir en saison si vraiment. Puis je te dis, GF, mais suite, il faut là, faudrait que, mettons, les fans me trouvent de quoi à faire, là. Mais je capote. Si Tatar fait plus de buts. Pachio. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, quelqu'un veut présenter moi un défi, quelque chose. Ah, bon, ben, si le monde, ça arrive, fais ça. Vous posterez en bas, mettons, du post Facebook, whatever, commentez où est-ce qu'on est, puis dites-nous ce que vous voulez que JF fasse si jamais. Ouais, des affaires, là, que tu ne devrais pas arrêter le lendemain, là, mais soyez vigilants. Tu fais tout quoi si l'inverse arrive ou tu fais juste. Non, c'est juste si ça arrive. Genre, mettons, tu veux une célébration. Célébration. Sinon, tout le monde s'attend que Pacho fasse plus de points que Tatar naturellement, mais si c'est le contraire qui arrive, là. Ce serait magique. Écoute, premièrement, je pense que je vais pisser sur une posture de Pacioretty, ça serait déjà un début. Mais pour ce qui est du reste, ça va être à suivre. Là. Mais non, je suis content de ce que j'ai vu de lui. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas pu voir Domi. Tu peux savoir comment... Oui, mais c'est bien parce que ça a laissé de la place à des jeunes que Domi soit pas là. Ça a ouvert la porte pour d'autres choses. Puis qui sait si ça serait arrivé la même chose si Domi ne serait pas suspendu. C'est comme une bénédiction. Un mal pour un bien. Il y en a un que j'ai été très déçu. C'est parce que je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose, c'est McCarron. Il l'a passé au balotage, personne ne l'a réclamé. Là, je pense que tu as des informations, Jeff. Est-ce qu'il y aurait eu une discussion entre McCarron et puis Joël Bouchard? C'est ça. Puis, parce que là, il était retourné à Laval, McCarron. Il n'a pas été réclamé, il est allé à Laval, puis ils ont parlé à McCarron. Avec Joel Ward. Après la pratique. Joel Ward, ils l'ont juste callé dehors. Ah, lui, il n'y a pas de contrat. Il était à l'essai, puis il a dit bon, mais tu peux t'en aller chez vous. Fait que là, on va voir si Joel Ward va signer un contrat qui n'a pas en Ligue nationale. Ben, d'après moi, ce gars-là, c'est fini. Puis s'il veut aller jouer, il va jouer en Europe. Ben, explique-moi donc, McCarron. On reviendra après McCarron, dans le fond, mais la règle là, pour descendre les gars puis les passer au balotage. Dans le fond, tu as un entry. C'est pour faire comprendre aux gens. Là, c'est ça, pour ceux qui savent moins, les gens. Mettons Luc Lavoie, c'est ça son nom? Oui, c'est Luc Lavoie. OK. Un jeune joueur qui signe son premier contrat dans la Ligue nationale, un entry-level contract, là, un contrat d'entrée, c'est 3 ans. Après 3 ans, à ce moment-là, tu signes un autre contrat. Là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Là, on s'en fout. Là, tu n'as pas un contrat two-way à ce moment-là. Donc, si tu ne fais pas l'équipe, tu tombes au balotage. C'est un peu la convention collective qui a fait ça comme ça. C'est pour donner la chance aux... Mettons que le joueur, là, il dit « Chris, si je l'aurais fait le club, les coachs m'aiment pas. » Mais c'est une façon pour lui de donner une chance pour qu'il puisse être réclamé par un autre club. Ouais, vu qu'il y a un contrat, il me gâche, je suis supposé être un joueur de la NHL. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me prendre? Il veut pas me prendre dans l'équipe cette année. C'est ça. Fait que là, quand personne veut te prendre, dans le fond, c'est pour un wake-up call te dire « Excuse le grand, mais t'as encore beaucoup de chemin à faire à la Ligue nationale. » Puis la mentalité c'est que McCarron a... C'est un autre first-round pick du Canadien qui a chié, mais on l'explique celui-là par le fait que quand... Ça, c'est quand Bergevin est arrivé qui a pris McCarron, me semble, c'est en 2012? Non, McCarron, c'est en 2013. C'était le deuxième repêchage du Canadien Montréal. Puis dans ce temps-là, le Canadien n'avait aucun joueur de bonne grosseur. Là. Ouais, mais ça, on se faisait ramasser. Puis ça demandait d'avoir des gros joueurs qu'on avait tant des petits joueurs. C'est ça. C'était suite au fait que, je sais pas si tu t'en souviens, la première ronde contre Ottawa. Les 5 joueurs se battaient sur la glace, puis les 5 joueurs se sont cassés ailleurs. Ouais, ouais. Bon, mais c'était suite à ça. Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que, tu sais, les bons goons, aucune équipe les donnait dans ce temps-là. Tu sais, ça avait une grosse valeur sur le marché. Fait que l'organisation du Canadien, c'est des gros joueurs de même. On va les repêcher. Ouais. Fait que McCarron, Chris, lui, il se dit, Lucic, le prochain Lucic, blablabla. Puis. Clairement pas, là. Finalement, ce qui arrive, c'est que la game, entre-temps, a changé rapidement. C'est axé sur la vitesse. Puis McCarron, il a su juste pas. Fait que là, l'année passée, McCarron, qui a été retranché de l'équipe, il a chialé contre l'organisation. Parce que lui, il se voyait faire le club, puis ça l'a affecté de la saison. Il est pas bon, là. Ben lui, il se voit comme un marqueur. Puis c'est ça que j'ai aimé de Joël Bouchard. C'est que, ben, premièrement, juste pour venir à McCarron, cette semaine, quand c'est arrivé, puis il s'est joint à Laval, il s'est dit pas surpris de ne pas avoir été réclamé parce qu'il dit la majorité des équipes sont déjà faites en date d'aujourd'hui. Fait que là, il voit ça comme un défi pour dire garde, je vais continuer à travailler sur des petites choses pour pouvoir un jour faire. Ouais, mais c'est parce qu'en ça commence à être long. Là. C'est comme passant à autre chose. Là. Mais je pense qu'il y a une bonne discussion. Acceptons qu'on a fait. Ouais, mais y a-tu le talent pour faire ce qu'il y a vraiment, on attend de lui? Ben, c'est ça qui arrive. Avec McCarron. Même s'il se pratique fort, là, rendu à cet âge-là. Pis... Ben, si on va dans la psychologie du joueur, là, je vais aller deep. Là. Bon, ça y est, docteur Mallette. Astie. McCarron, il a toujours joué sa première ligne dans le junior, puis pendant pour toute sa vie. Là, il arrive dans le national, puis ça n'arrivera pas. Il l'aura pas, c'était pas ça. Lui, sa job, son rôle, c'était de marquer des buts. Là, maintenant, il ne peut plus faire ça. Il devient un joueur de soutien. Puis c'est un peu ça qu'il ne comprend pas encore, mais là, il semble vouloir le comprendre. Puis Joël Bouchard, il a expliqué ça. Joël Bouchard, il a dit qu'on va travailler sur les choses dont McCarron est déjà bon. Puis c'est un peu ça que tu fais aussi dans tous les sports. Quand un joueur a beaucoup de difficultés, tu vas travailler sur les choses qu'il fait bien pour s'assurer que ça l'amène à un autre niveau. Puis à ce moment-là, après ça, tu vas pouvoir travailler des choses qu'il fait moins bien. Puis McCarron, là, il a même parlé un peu du coaching staff. Il a dit, écoute, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année passée. Là. Je le comprends tout. Mais McCarron, je pense qu'il a le même problème que De La Rose. Là. En étant encore moins bon que De La Rose. Là, mais c'est parce qu'on l'a tellement monté, descendu, toujours au yo-yo, que la perception du public est brûlée là, sur lui. Ben, parce que, premièrement, okay, De La Rose, c'est ça le problème avec. C'est comme, il est pas dégueulasse, mauvais De La Rose, mais il est juste comme... Il y a encore du chemin à faire, mais on l'a monté trop vite, on l'a redescendu, on l'a remonté, on l'a redescendu, toujours yo-yo avec. Fait que tout le monde est comme... Ça lui donne de l'expérience, sauf que, tu sais... Oui, mais tu le brûles pour le public, là, aussi. C'est parce que le monde s'attend à quoi, De La Rose? Un marqueur de 25 buts, 30 non, buts? Non, c'est un joueur défensif, un joueur d'offense défensif. Bon, mais c'est ça, De La Rose. De La Rose va être là pour shutdown les autres trios de l'autre équipe. C'est pas un gars de 20-25 buts. Je sais qu'il y a du monde qui l'aïe. C'est parce qu'il est beige aussi. Il n'y a pas de personnalité. Là. Mais on s'en fout de ça. La première fois que De La Rose a monté le club avec Michel Therrien, il comparait à Jordan Starr. Dans le temps qu'il avait sa serviette sur la tête en fin des clubs. C'est ça, mais il a fait le grand club à 19 ans. C'est exceptionnel, ça aussi. C'est juste qu'après ça, ça s'est effacé un peu. Mais ce qui arrivait avec De La Rose, c'est qu'il jouait pour ne pas faire d'erreur sur la glace. Que ce qu'on demande de lui, c'est de pouvoir s'impliquer un petit peu plus pour qu'il puisse apparaître un peu sa feuille de pointage. Là, il sait c'est quoi son rôle. Justement, comme il ne veut pas faire d'erreur sur la glace parce qu'on l'a monté trop vite, parce qu'il est trop jeune. C'est un peu ça, un jeune. qui a peur parce, de faire. Parce que si tu le montres comme avec la pression de « Hey, faut pas que tu en fasses d'erreur parce qu'on vise la coupe en ce moment puis que c'est pas ça du tout. » Mais ça, c'était rien, ça. Ouais, mais c'était pas juste terrien. C'est l'organisation de ces années-là. Là, en ce moment, on dirait que le vent tourne, là, mais l'attitude générale a l'air d'être un peu changée. Ben, les jeunes prennent le contrôle du club en ce moment. Ben, ce qui est une bonne chose en maudit. Là. C'est ça, mais tu vois des jeunes, je pense que la majorité des jeunes dans l'instant, c'est le même. Des fois, quand leur poste n'est pas assuré, là, eux autres, ils pensent dans leur mentalité qu'en jouant, en ne faisant pas d'erreur, ça va les aider à faire le club. Non, c'est pas ça. Là. On veut que le gars s'implique pendant la game. Regarde, pour tu vois, pouvoir là, se faire démarquer. Il y a Max dans le chat qui dit que la direction nous a juste mal vendu de la rose, là, que les attentes étaient genre démesurées envers lui et que c'était pas en bonne place. Il faudrait que je retourne en arrière pour savoir exactement ce qu'on avait dit de lui. Mais je sais par contre que Michel Therrien parlait de la rose comme le prochain Jordan Staal parce que Michel Therrien avait. Il faut arrêter de faire ça, des comparaisons de même aussi. Ben, ça, c'est Therrien qui l'a fait parce que dans le fond, je pense que le monde a un peu exagéré dans leur pensée parce que, tu sais, faut pas dire une chose, Michel Therrien, c'est pas le gars le plus brillant qui existe sur la Terre. Dans ce temps-là, quand il y avait Jordan Staal. Ouais, il est de 91,9, respect. Ben, c'est ça, mais tu sais, le gars a la misère à écrire un poème. Fait que Michel Therrien, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que lui. Quand il était à Pittsburgh, il y avait Malkin, il y avait Crosby, puis son troisième centre, il y avait 19 ans, c'était Jordan Staal. C'est de ce côté-là que je pense qu'il voulait faire la comparaison sur De La Rose, qu'on croit que c'est un jeune troisième centre défensif qui va être un spécialiste. Mais un centre défensif, là, écoute, Larcelaire, c'est un centre défensif, puis c'est un gars qui fait entre 30 et 35 points par année. Il n'en fera pas 50, il n'en fera pas 60. En série, il peut faire une différence parce que en série, c'est le troisième, quatrième trio des fois qui fait la différence. Ah, c'est souvent eux qui vont marquer les buts gagnants. Puis... De La Rose était incroyable pendant le championnat du monde l'année passée. C'était lui qui s'occupait des trios offensifs des autres équipes pour la Suède. Puis il était super bon. Puis Julien n'a pas peur de s'en servir quand le match est serré ou s'il faut qu'il protège en avance ou en désavantage numérique. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette année. Ça va être un peu pas son dernier test, d'après moi. Mais d'après moi, ça va être un gars qui va peut-être un peu jouer à la chaise pour le quatrième trio à ce moment-là. T'sais, il peut peut-être jouer sa troisième, éventuellement, s'il est blessé. On a Deslauriers qui est out. Là, fait que... Deslauriers est out, ça pourrait l'affecter, ça, par contre. Il s'est brisé la face. C'est ça. Ben, pour vrai, là, c'est un câble. Pourquoi tu fais ça en match pré-saison d'aller te battre de même? Ben, il voulait sûrement donner un show. C'est un accident là, de se casser à la face. Normalement, tu te casses pas la face en te battant. Là, mais... c'est encore là, c'est le gars, il s'est pogné contre un kid qui fera même pas l'équipe pour les Devils. Sûrement parce que le kid voulait juste comme, en mettre plein la vue pour avoir des points par les entraîneurs. Puis Deslauriers a embarqué là-dedans. Parce que Deslauriers, c'est un gars qui était émotif, il était au Centre Bell, puis le monde applaudissait. Puis ça lui a coûté un prix. Puis malheureusement, Deslauriers va peut-être avoir de la misère à avoir un poste régulier avec le club cette année. Parce qu'un gars aussi qu'on n'a pas parlé tantôt, là, mais qui nous a impressionné, qui a fait un but de passe là, quand on est allé voir contre les Panthers, c'est Matthew Pekka. Pekka joue du bon hockey, pour vrai. J'étais content de le voir, j'étais surpris. Je m'attendais à rien de ce gars-là. C'est ça, puis je pense que Pekka va jouer ce soir, je suis pas certain. Là, mais écoute, même Bergevin avait parlé de ses joueurs de centre assurés avec Tony Marinaro, puis il parlait de Pekka comme son quatrième centre. Fait que c'est qui va être le quatrième centre du Canadien de Montréal? Là, il est arrivé de quoi, JF, aujourd'hui? Une annonce officielle avec le Canadien. Là, je sais pas si tu veux qu'on parle d'autres choses avant de sauter non, là-dessus. Non, vas-y, c'est là qu'on est rendu, JF. C'est rendu que le Coca, il a fait l'équipe. Non, c'est pas, tu peux pas l'appeler Coca. Ben, c'est ça que Julien avait dit. Non, mais il a parlé. C'est ça que Julien a dit? Ben, il a dit KK. Ben, il a dit Coca. Coca. KK, il joue très bien. Ça fait trop caca, j'aime pas ça. OK, bon. Ouais, mais il y a un journaliste qui a demandé c'était quoi son surnom en Finlande, puis il a dit que c'était Yepo. Comme Yepo, Hungry Yepo? Ben ouais. Les hippopotames qui mangent les billes, là. Non, ben Yepo, hein. Y-E-P-P-O. J'aime que tu boives avec le micro comme dans la gorge. Le son était excellent là-dessus. Mais non. Attends, mais pourquoi? C'est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais tu fais une recherche? Non, mais c'est parce que c'est Yespéry son nom. Fait que ça doit être Yepo, ça doit être un diminutif de Yespéry, d'après moi. C'est même pas les mêmes lettres. Non, mais c'est pas grave. Comme Jean-François, c'est JF. Ouais, mais moi, je l'aurais appelé G ou ESP. Tu peux l'appeler J, tu sais, puis c'est pas GF. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que je vais faire une recherche sur Yepo. Ça doit être peut-être un personnage en Finlande. Non, mais tu sais. C'est le Barney de la Finlande, mais on l'appellera pas Yepo parce que ça marche pas. Le monde ne saura pas de qui on parle. On va l'appeler Kotkaniemi, je pense, parce que. Pour le moment. Là. C'est le fun à dire, Kotkaniemi. Parce que moi-même, je te dirais. Ou Kotka, c'est bon aussi. Ok, fait que je vais lâcher. Je vais lâcher le caca. Ouais, là, je le caca, ça se peut. Je vais dire en langue française parce que Philippe Quentin veut le temps qu'on parle français. Là. Fait que Kotkaniemi va faire le club, c'est ce qu'on sait en ce moment, dernière nouvelle, avant la dernière game pré-saison. Toi, c'était quoi tes attentes de ce gars-là en début du camp? Je m'attendais à avoir des belles choses de lui, de le renvoyer probablement soit en Finlande ou soit à Laval pour... Toi, dans ta tête, tu te posais la question s'il allait en Europe ou s'il allait dans la Ligue américaine. Oui, puis je me disais qu'il allait probablement jouer 9 games cette année avec le Canadien durant une période que quelqu'un serait blessé. Tu ou... disais ça avant que le camp avait commencé? Avant que ça commence. Je me disais, après moi, on va le voir, il va avoir des belles affaires, mais on va dire, ah, il est pas encore prêt 100% pour la NHL, on va l'entraîner. Là, finalement, il en met plein la vue à tout le monde. Puis on le fait commencer. Puis là, j'ai hâte de voir s'ils vont le faire commencer une game ou s'ils vont garder de la saison. Ben, il y a un petit règlement par rapport à ça, okay. JF. Le monde, des fois, se pose la question, c'est quoi le rapport des 9 games puis tout ça? Parce qu'il y a une autre affaire, c'est le 39 games. Si le joueur recrue joue 10 games, fait que mettons après 9 games, là, à ce moment-là, c'est sa première année de contrat qui embarque. Oh oui, j'avais compris que 10 games, c'était après 9 games. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, la première année de contrat embarque. C'est-à-dire que lui, son contrat de 3 ans, 950 000, il embarque s'il joue 10 games avec le grand club. Ouais. Ça, c'est rien. Rien pour une organisation. On s'en fout de ça. L'affaire qui est importante, c'est s'il joue au-dessus de 39 games. S'il joue au-dessus de 39 games à ce moment-là, ça compte pour une année complète qui pourrait l'amener à l'autonomie à l'âge de 25 ans. OK. Fait que ça, c'est... les DG sont comme... tu sais, c'est une question d'argent. Dans le fond, c'est quand tu le signes, il va-tu demander une fortune, tout ça. Toronto a des problèmes présentement à cause de ça. Fait que là, je pense qu'on va y aller. Après, il pourrait faire une genre de un tiers de saison, mettons, sans problème. Il pourrait le faire, puis après ça, l'amener à Laval sans affecter le nombre d'années pour l'autonomie. Parce que, ouais, continue. Fait que c'est pour ça qu'on va voir... Moi, je pense que Kotkaniemi, on va pouvoir y aller par match pour voir un peu la progression parce qu'il a commencé slow au camp des recrues. Mais lui, il a joué dans une grosse surface. Puis l'année passée, pour ceux qui ne le savaient pas, Kotkaniemi a joué à l'aile toute l'année. Puis ça ne fait pas de lui un allié, là, pour ceux qui capotent. Fait que là, cette année, c'était comme une adaptation pour revenir. Ouais, mais c'est pas parce qu'il joue au centre que ça fait de lui notre centre numéro un non plus. Je pense qu'il ne faut pas le brûler non plus. Là. Moi, je le verrais, sa troisième ligne, JF. Je le mettrais à deux, moi, par exemple. Parce que tant qu'elle a envoyé sa troisième ligne, envoyé à Laval sa première, puis il fallait brûler la ligue pour un an. C'est là qu'est mon point. Habitue-le à sa patinoire dans la NHL en premier, parce que moi la Finlande, je dirais non. Là, c'est mon choix, ce serait pas de Finlande, parce que tu veux qu'il s'habitue à la patinoire nord-américaine. Ça tu veux ça, là, absolument. Puis là, on a vu, il a démontré des belles choses. Là, il a vraiment fait sa place pour cette année, je pense. Il est intelligent. Oui, c'est là que sa force allait. Ça sera pas une superstar comme Crosby. Mais il est brillant, ce joueur-là. Pis... sais-tu à qui je le compare, moi? Bon, vas-y avec des comparaisons qu'il ne faut pas faire, mais vas-y. Alexander Barkov. Je crois que tu allais me dire Alexander Deck, j'ai failli avoir peur. Là. Non. Barkov. Ah ouais? Des Panthers. Barkov, lui, ça, il a commencé, ça a bien été, puis après ça, oups, les blessures l'ont ralenti. Mais ça, c'est le meilleur joueur des Panthers. Pis c'est un gars qui est tellement talentueux, mais tellement intelligent, responsable dans sa zone. Il fait 90 points, mais il fait toutes les bonnes choses sur la glace. Un centre typique à la Andy Kopitar, mais plus spectaculaire. Parlant de Kotka, je vais vous mettre son premier but ici. On voit son tir, que c'est déjà un tir de la NHL. La lacune que Kotkaniemi avait quand il a été repêché, que beaucoup d'experts disaient, c'est qu'il n'était pas assez rapide. Tu sais quand il a l'air d'avoir 12 ans, par exemple, c'est incroyable. Ah, il est jeune en Christ. On voit dans 5 ans, après qu'on a gagné la coupe, à ce moment-là, qu'il va peut-être paraître un peu plus mature. Il y a des problèmes à l'amener à Montréal vite, par exemple, puis c'est d'y mettre trop de pression, parce que là, le monde puis il faut pas que le monde le prenne pour un sauveur. Les journalistes. Non, ça, c'est sûr et certain. Là, c'est pas le sauveur. Qu'il fasse 80-100 points cette année. C'est pas lui qui nous amène la coupe. Là. C'est un bon joueur. Dans 4 ans, on va être content de l'avoir. Là, ben, c'est ça. T'sais, vois ça un peu. C'est un beau projet en développement, le Kotkaniemi. Ben, c'est comme, mettons, les gamers. Là. C'est comme, Kotkaniemi, tu viens de le unlocker. Là, tu vas aller chercher du XP avec pour qu'il monte de level. Puis peut-être qu'à l'année prochaine, il va atteindre un level où tu vas pouvoir unlocker d'autres skills pour qu'il soit encore meilleur. Mais c'est pour ça que, tu sais, là, les journalistes ont commencé à mettre de la pression. Après, là. Ils ont commencé à dire « Ah, la première game de la saison, on va jouer contre Tavares et Matthews. Après ça, c'est Crosby, Malkin. Après ça, c'est ici. Après ça, c'est ça. » On l'a vu jouer contre Matthews et Tavares. Il s'en est très bien tiré. Il a même mieux paru qu'eux autres sur la glace parce qu'on a très bien joué à 5 contre 5. Fait que je suis pas inquiet que son développement, il va bien pour l'instant. Je veux juste pas qu'on aille trop vite si c'est pas nécessaire. T'as pas besoin de scraper son développement parce que dans l'immédiat, tu veux gagner. On n'a pas besoin cette année. C'est pas le but de l'équipe. C'est pas le but de l'équipe de gagner la coupe. Il pourrait viser. Un beau défi pour ce club-là serait de viser une place en série en 8e place, mettons. Je pense que ça, c'est quand même assez clair. C'est ça le plan, c'est de faire les plans. Parce que tu peux pas dire aux joueurs OK, cette année, là, les gars. Tu peux pas leur mettre pression. C'est des jeunes. On va essayer parce qu'on veut un draft pick. Non. On va travailler fort puis on va aller dans la bonne direction. Puis tant mieux s'ils se rendent à faire les séries. Puis avec ça, on va le prendre. Là. Ça serait un bonus pour moi s'ils font les séries. S'ils font pas les séries, je serais pas déçu, mais je vais être content de voir la progression que les jeunes ont eue, surtout si on perd, t'sais, mettons, beaucoup de games par un but ou en fusillade, mais qu'à ce moment-là, les gars sont combatifs puis qu'ils sont... Attention, il ne faut pas avoir nos lunettes roses du CH, là, comme dirait Yves Brouillette. Je te pointe dans la caméra comme ça, Yves Brouillette. Inquiète-toi pas. Mais c'est pour ça que moi... Mais ça, c'est toi qui as les lunettes roses, par exemple. Ça, c'est, t'es le seul qui voit que tout va bien. Moi, je trouve le bon côté des choses. T'es trop optimiste, ça fait chier tout le monde. Je suis partisan du Canadien, c'est mon club. Ouais, moi aussi, mais tu peux rester critique pareil, même si t'es optimiste. Je vais être critique envers certaines choses, mais là, pour le moment... Moi, je suis critique, mais ça me dérange pas en bout de ligne, parce que je vais écouter les matchs pareil, puis je vais avoir du fun quand même, même si ils sont à chier. Mais je veux voir des gars qui travaillent, puis c'est ce que j'ai vu au Centre Bell quand on est allé, c'est ce que j'ai vu des matchs pré-saison qui est le fun. C'est ce qu'on va voir cette année. Fait que même s'ils perdent le Canadien cette année, ça sera pas grave parce qu'ils vont travailler fort, je pense. Ça va être le fun de voir des jeunes qui se démènent pour gagner. Puis... Si Drouin devient le joueur tant attendu, c'est-à-dire un gars de 60 points réguliers, notre meilleur joueur, dans le fond, notre meilleur marqueur, si tu veux, puis que Lekkonen continue à progresser puis qu'il marque 25 buts, que Domi devient un joueur de 60 points, parce que je vous le rappelle qu'il y a un potentiel de faire 60 points, Domi. Il a juste fait 8 buts. L'année passée, même dans les poules, les projections disaient qu'il allait faire 60 points, à peu près 18 buts puis 52 passes. Il a fait 9 buts, Luc Lavoie s'est trompé encore. Il a fait 9 buts, puis à la fin de la saison, il a fait 17 points en 12 games. Fait que ta gueule. Bon, des fingers à Luc Lavoie. Ah ouais, c'est sûr, certain. Ça, c'est pas juste un majeur, mon ami. Puis après ça, au niveau de la défensive, voir un Mike Riley progresser, parce que ce gars-là, quand il était accueilli avec le Wild, il était considéré comme une superstar là-bas, parce que c'est un gars qui étudiait là-bas. Puis son père, je pense que c'était un des actionnaires du club, mais ils ont jamais été capables de se faire de la place parce qu'ils ont trop de profondeur. Fait que le gars s'est retrouvé dans le néant, puis Bergevin a payé des pinottes pour l'avoir. Et puis Mété aussi. Hey, quand t'as vu Mété, Kotkaniemi, sa glace, là, pis ça se faisait des petites passes. Ah, là, c'est le fun, ça. C'était beau à voir, ça. Mété, il a dit, Kotkaniemi, tu sais, j'y ai pas dit, mais il doit savoir que s'il a besoin de parler, je suis là, tu sais. Chris, lui, c'est sa deuxième année, là, Mété, puis il est comme, moi, je suis un vétéran pour Kotkaniemi. Ça, c'est le fun à voir. Coacher, ça. Fait que c'est le fun. C'est de la musique dans mes oreilles quand je vois des choses demain, des gars qui se tiennent. J'ai hâte de voir Weber revenir là-dedans, moi. Puis, mettons, si je peux faire une petite parenthèse pour Mété, j'ai lu de quoi que j'ai trouvé le fun hier, là. Ouais. Tu sais, en début de saison, il a été jumelé avec Jolson. Ouais. Ça a l'air que ces gars-là sont devenus des super de grands chums. Ah ouais? Ah ouais, ils sont tout le temps ensemble, c'est des inséparables. Ça c'est 11-30, là, puis ça vaut je pense à la fin de surf. Là, ils sont plus du genre, mettons, à jouer à Nintendo Switch là, un après-midi, puis après ça. Il y a des teams qui veulent interdire les jeux vidéo sur la route, pour c'est n'importe quoi. Ah, c'est parce que ce qui arrive, c'est parce que des fois, tu peux prendre quelqu'un qui est accro à Fortnite, puis il va jouer toute la nuit, genre sans se concentrer sur sa game, puis il va arriver à la pratique fatigué. Il y a des joueurs qui le vivent présentement dans NHL, là. Zadina. Ouais, Zadina, là, pas fort. Ouais, le monde qui remettait la photo là, de la madame qui capote parce qu'on avait repéré. C'est une personne qui fait partie de la famille de Zadina, fait que c'est pour ça qu'elle a réagi de même, parce qu'elle était déçue qu'il ne se fasse pas se repêcher par le Canadien, parce qu'elle est fan du Canadien. Fait que malgré le fait que son neveu, mettons, son plus lapin de même, va jouer pour les Red Wings, elle va quand même pas prendre pour lui, parce que c'est une fan du Canadien de Montréal. Dans l'âme. Puis, un autre point important aussi en parlant de Zadina versus Kotkaniemi, je ne sais pas si tu as attendu la conférence de presse que Julien a donnée après la game contre Toronto, qu'on a perdu 5-3. J'ai entendu des bouts, là. C'est pas question. Écoute, que il parlait de Kotkaniemi, puis il dit ça va être très dur de l'aligner de l'alignement pour qu'il fasse le club. Puis en plus, il a demandé, il dit c'est quoi son défaut? Puis il dit le kid, il n'y en a pas. Et quand le coach dit ça d'un enfant... Son seul défaut que je vois, c'est sa shape pour l'instant. Il faudrait qu'il mange un petit peu plus de protéines. Ça ne semble pas le déranger parce qu'il est intelligent. Il fait de l'espace à la glace. C'est ça que je... Mais j'ai hâte de voir sur une saison complète s'il va se finir par se faire ramasser C'est pour ça qu'on le voit match par match. Puis c'est pour ça que moi, je le verrais sur une troisième ligne au lieu de jouer sur le top 6. Puis écoute, il parle en bien lui. Puis là, après ça, il y a un journaliste qui a dit « Ah, mais dans ses mises au jeu, il y en a eu 4 sur 13. Ça doit être Richard Labic, c'est crise de stats de marde. » Mais Julien dit « Ah, c'est peut-être le seul point que je pourrais dire qu'il devrait s'améliorer. Femme ta gueule, des calices. » Mais il y avait des bons mots pour 4-4-5, tandis que « Oups! » Tu traversais les lignes, t'allais à Détroit, ce que le monde se faisait tuer pour aller chercher du lourd dépanneur. Puis là, le coach disait que Zadina a beaucoup de difficultés à faire de l'espace. Le jeu est trop rapide pour lui. Il dit il est super talentueux, mais c'est ça. Fait que c'est ça qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont vu les dépisteurs. Ça veut dire qu'ils ont vu que Kotkaniemi était déjà plus près dans son développement. Puis que... Ben, eux autres, ils ont dit qu'il y a le physique pour faire la NHL tout de suite. Puis il y a du talent pour. Sauf que le problème, c'est que, whoop, il y a une. Tu sais, la Ligue junior majeure du Québec, GF, sans dénigrer les Québécois là, sur la Ligue au Québec, là, c'est la Ligue la plus faible au Canada. Il y a beaucoup moins de Québécois qui se font repêcher au repêchage versus, mettons, la Ligue de l'Ontario ou même la Ligue de l'Ouest qui prend plus d'ampleur. Zadina a joué un an dans la Ligue majeure du Québec. Il a fait 44 buts dans une ligue ordinaire. Puis le gars, il est super talentueux. Fait que c'est normal qu'il aille comme performer. Sauf que dans la Ligue nationale, c'est un level un petit peu plus élevé pour lui. Chris Kotkaniemi, que le monde voyait 21e en janvier 2018, qui a commencé à monter d'ici le mois de juin, que le Canadien a repêché 3e, puis qu'il y a beaucoup de monde qui a chié ce choix-là, fait le club, tandis que Zadina pourrait commencer la saison en Ligue américaine ou commencer sa 3e, 4e ligne. Kotkaniemi sera le joueur le plus jeune de la Ligue nationale au début de la saison. C'est assez spécial, puis je suis fier que ça vienne de Montréal, ces affaires-là, parce que beaucoup de monde disait que Montréal, on fait pas de place pour les jeunes, ce qui est faux. Bon, ton historial y est fait, là, JF. Ouais. Fait que Kotkaniemi a surveillé, joue pas ce soir. D'ailleurs, la game va commencer dans 5 minutes, après moi. Il est 7h05. Fait qu'on va conclure le podcast sur deux affaires. Les Flyers de Philadelphie ont dévoilé leur nouvelle mascotte, Greedy. Ouais, ça fait peur un peu. Hein? Moi, j'ai déjà peur de ces affaires-là. Hein? En fait, au début, quand j'ai vu ça, je suis comme, sacrement, c'est une aberration. Qu'est-ce que c'est ça? Puis plus je la regarde, plus je la vois aller, plus je suis comme, c'est le move parfait que les Flyers pouvaient faire en ce moment. Ça fit un peu avec... ça fait Broad Street Bullies. C'est comme une genre de tête folle avec des googly eyes qui revolent partout, beaucoup trop de poils. C'est comme Youpi sur le crack, là, un peu. C'est ça. Ben, tu sais, c'est l'image des joueurs des Flyers, dans le fond. Tu as regardé la face de Claude Giroux, tu le sais tout de suite. C'est ça. Puis en plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils l'ont mis roux. Ben oui, mais c'est pour aller avec les couleurs de l'équipe, là, alors que là, on le voit débarquer. Okay, dans c'était pour Giroux. Mais ça rappelle pour Giroux aussi. Ça aurait été drôle, genre, mettons qu'il voit rien puis il se plante devant une caméra. Là. Il a l'air d'un dommé un peu. Mais là, il est déjà rendu dans des memes sur Internet, qui est comme, il est dans des backgrounds avec des enfants, il est dans des affaires historiques. C'était le meilleur coup que les Flyers pouvaient faire, je pense. Ben, côté publicité pour eux autres, pour l'attention puis tout. Ah, tu le vois-tu, mettons, des avant-matchs, là, ce qu'il fait, il ramasse... Ah, mettons, il est fourré là-dessus, là. Hey, le gars qui est dedans, il doit perdre des calories en temps. Il faut que ça soit le cardio à maudit, là. Tu vois que là, il s'est planté sur la glace, là. Ouais, c'est ça, parce que d'après moi, c'est comme un genre de dommé. c'est un gros cabot. C'est le cousin éloigné de Youpi qu'il ne parle jamais, là. Look at me, motherfuckers. Il danse puis il groove. Ah, c'est que j'aimerais ça qu'il se tire dans la face puis qu'il se blesse, là, tu sais. Oh mon Dieu. Cette mascotte-là va nous hanter et va essayer de manger notre âme toute l'année. Ben, je peux juste penser à mon fils de 6 ans, là. C'est clair que, mettons, s'il voit ça, il dit, papa, j'en veux un. C'est sûr, certain. Tu sais, Youpi, là, c'est un gars qui allait à Pastoral, tandis que ce gars-là, il foxait ses cours en après-midi. Ah, c'est clair, mais Youpi, c'est un premier cas. Il a fait un tour des capteurs. Ah, il était partout à Philly, là. Sacrément, il est payé combien, un gars, pour faire ça? Je sais pas, mais il était même à la Jimmy Fallon. Maximum qui demande, pendant qu'on est allé voir le match contre les Panthers, on avait porté attention à la recrue Henrik Borgstrom. Ben, honnêtement, je savais qu'il jouait, mais il a rien fait sa glace pour m'impressionner, honnêtement. Je pense que Kotkaniemi, sur ce qu'il faisait, malgré le fait qu'il n'était pas là, ou même je pourrais dire, Pekka, pour moi, m'a plus impressionné que Borgstrom, parce que Borgstrom, il a rien fait pour moi pour que je l'aie remarqué sa glace, puis on était au Centre Bell. Voilà. Mais voilà, on revient à Greedy. Fait que je pense que c'est un excellent coup. Puis quand. Je sais pas, là. Toi, je pense que t'es comme un peu contre ça pour les réseaux sociaux des teams à comme se blaster, là. Ça dépend pourquoi. Mais je trouve que la NHL, les équipes, puis leur PR s'en vont dans une direction que j'adore. Sur Twitter, en tout cas. Ils ont posté le vidéo comme. Hey, ce qu'on a vu tantôt, là, voici Greedy, là. Puis il est là, puis il swing la bédaine, puis les yeux qui revolent. Puis je pense que c'est. Les Golden Knights qui ont retweeté ça, ou les Penguins de Pittsburgh qui ont retweeté, puis ils ont juste fait LOL, OK. Ouais, c'est fait, ça. C'est... Wow, ça, c'est incroyable. C'est les Penguins parce qu'il y a une grosse rivalité avec les Penguins. Mais toute cette chaîne de tweets-là était comme fantastique à voir aller. Là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que la différence entre ça versus ce que Moran a fait, on n'avait aucune raison de blesser d'autres équipes avec la saison qu'on a connue. Ah, OK, mais ouais, mais ça, c'est une erreur de parcours. Puis, c'est ça. Il essaye de... Faut qu'il embarque dans la nouvelle vague des médias sociaux. Oui, c'est sociaux, ça, mais fais juste faire attention parce que si t'es mais déjà... Mais là, tu sais, pour Greedy, ils ont mis la comparaison avec Youpi, puis c'était bien correct. Ils vont chercher un public beaucoup plus jeune parce que, mettons, les jeunes, c'est triste, là. T'habites à Montréal, tu vas prendre pour les Pingouins, ce qui est pas normal. Oh, hey. Faites votre job, les parents. Fini pour notre expérience au Centre Bell. L'affaire qu'on a vue, tu sais, quand on était au Centre Bell, pendant les entraques et les pauses, il y a des caméras dans la foule ouais. qui filment du monde qui danse. Ouais. Là, ils filmaient des jeunes. Les jeunes faisaient toutes des hosties de danse de Fortnite. Là. Ah, c'était juste de ça. Là, puis c'était toute la même crise de danse. Là. Ah ouais, le floss. Je sais pas, moi je connais pas, j'ai pas joué à Fortnite, là, mais ouais, le floss. Ah, ouais, c'est les bras de même, ou je sais pas trop quoi. Mais mon gars, c'est ça qu'il faisait quand il score un beau soccer. Là, j'étais un peu gêné. Puis on finit sur une autre nouvelle aussi, dire qu'il y a un joueur de la NHL qui est impliqué dans une histoire de cocaïne. Yeri Littela, qui a même parlé aux journalistes cette semaine pour s'expliquer. Il y a genre un gros réseau de cocaïne à la Omerta Giovanni. Là. Puis il est impliqué là-dedans et c'est un suspect. Il pourrait écoper 10 ans de prison. Puis c'est un gars que les Flyers ont eu en échange de Brendan Chen. Il est un petit peu dans la marde. Là. C'est ça qui arrive. C'est dommage. Hein, des fois, vous prenez des mauvaises décisions. On a juste à penser au frère Cotitine avec leur petit contact là, qui vendait des passes pour l'Ofosi. On a-tu des extraits à la cour? Un segment de drogue. Il semble que ça arrive souvent qu'on a besoin de plugger ça, ces extraits audio-là. C'est important parce que ça fait partie de la réalité. Puis il faut en parler, mon GF. Parlant de réalité et d'affaires qu'il faut parler, est-ce que tu as un call-out pour terminer? Dans le fond, si tu me permets, JF, je vais juste faire... moi, j'ai, tu sais, j'imagine demain, ils vont annoncer le club au complet, là, mais j'ai pris la peine de faire mon line-up pour le début de la saison. Vas-y donc. Puis rapidement, je vais y aller ainsi. Ma première ligne, c'est Drouin, Domi et Hudon. T'as-tu vu le spinorama que Hudon y a scoré? Ouais, c'était magnifique, ça. Ah, je te dis, Hudon, là... Il est passant de ses pattes. Il pourrait être une genre de 4 cachée. Ça, c'est un autre jeune qu'on parle pas beaucoup qui pourrait progresser agréablement. Deuxième ligne, Tatar, Dano, Gallagher. Pis c'est là, Jeff, et je m'explique que je mets Kotkaniemi sa troisième ligne avec Armia et Lekkonen. Oh, la ligne finlandaise. La finish line. Parce que finish him. Kotkaniemi, dans le fond, parce que ce qui arrive, là, regarde, dans le fond, juste avant de parler de Kotkaniemi, je vais vous dire ma quatrième ligne, là, Plekanec, Byron, Delarose. Pas méchant. Quand tu regardes ça, Jeff, là, c'est 4 trios. Notre bottom six, là, il est fort, là. Il y a des équipes là, qui ont toutes mis leurs jeux dans le même panier, ces deux premiers trios. C'est quand même pas super. Fait que ça va patiner en esti. Le problème, il est beaucoup à défense pour le Canadien cette année, là, mais c'est à voir pareil. Mais juste pour finir avec nos 12 attaquants, c'est une ligne qui va patiner. Puis Kotkaniemi pourra jouer sa troisième ligne, un peu comme Pierre-Luc Dubois qui a fait avec Columbus. Mais par contre, sa première vague du powerplay, tu le mets là. Il va apprendre. Puis à un moment donné, là, mettons que Domi connaît un mauvais match, là, tu fais juste un changement de trio, tu mets Kotkaniemi sa première. Fait que tu joues un peu avec tes trios de même. Puis je pense que ça pourrait aider Kotkaniemi à progresser. Puis si jamais Kotkaniemi a beaucoup de difficultés, au pire, on l'envoie à la Ligue américaine. Ouais. Mais je veux pas y mettre trop de pression. Je veux pas le mettre sur la glace contre des gars, des Tavares ou des Matthews. Ouais, ou des c'est pour le faire jouer plus qu'un 9e, il faut pas. Mettez-les pas dans le spotlight tout de suite. Laissez les gars faire leur job pour le moment. On va voir après 5-6 matchs qu'est-ce qu'on fait avec, d'après moi. Là. C'est ça. Puis mettons comme spare à l'attaque, là, j'ai Andrew Shaw. Faut pas oublier que Shaw fait encore partie de l'équipe. Il est pas blessé, Shaw. Il est blessé, mais il devrait être prêt pour le début de la saison. Okay. Matthew Pekka et Delaurier qui est blessé. Fait que là-dedans, Pekka va avoir besoin de faire sa place, après moi, quelque part là-dedans. Ben, peut-être que Delarose peut sauter. D'après moi, Pekka pourrait facilement. Plekanec, je pense qu'il va un petit peu là, faire sauter des matchs à l'occasion. Ils vont jouer son millième, puis ils vont finir son contrat tranquille, puis ils vont prendre sa retraite. Va-t'en au M2. Va me chercher des sushis, Plecky. C'est ça, parce que quand Delaurier va revenir, à ce moment-là, c'est un joueur qui va devoir sauter. Tu sais, Kotkaniemi fait que, là, il y a peut-être un vétéran qui pourrait perdre sa place. Mais après moi, il fera pas plus que 9 games, fait qu'il va avoir une place pour. C'est ça, on va voir un peu ce qu'il va donner dans la première semaine, puis ensuite, on pourra en juger au prochain show. Exact. Tandis que à défense, moi, je voyais Riley et Petrie, que je trouvais que Petrie paraissait bien en raison de Riley. Mettez Jolson, j'ai bien aimé cette paire-là. Me fait chier, là. Et puis il y a Halsner, malheureusement, je mettais Schlemko à la droite de Halsner, mais vu qu'il est blessé. Ouais, j'ai vu quelqu'un sur Twitter dire qu'il était fait en beurre, puis j'étais assez d'accord. Ah ouais, mais sacrement. Il a joué l'équivalent de 42 games par année maximum. Ben, c'est ça, il jouait à peu près la tiers de nombre de games qu'il aurait dû jouer. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, là, pour vrai. Là, il a pas joué tant que ça. D'après moi, par défaut, il est chanceux, mais je pense que Ben, grâce à ça... Ben s'achète du temps, mais... Qu'est-ce qu'il dit que Ben n'aurait pas truqué de quoi, genre, pour blesser Schlemko? Parce que pour moi, Ben, je le voyais aller au balatage ou se faire échanger. Ouais, mais là, ça, mais un gars qui voit une bénédiction, c'est Xavier Ouellet. Ouais, lui, ça donne sa place. C'est ce gars-là qui est dans une saison de rédemption. Il n'y a pas eu un mauvais camp. Fait que c'est... Non, puis il va jouer à soir parce que sûrement qu'il y a un point d'interrogation. Puis une autre affaire que je serais curieux, c'est de savoir si on va donner un contrat à Simon Després. Simon Després, c'est un toxicomane qui était dans la drogue solide. Non, c'est vrai, ce que je te raconte là, c'est vraiment triste. Puis les Penguins de Pittsburgh, à cause de ça, ont décidé de s'en débarrasser pour l'envoyer à Anaheim. À Anaheim, pensant avoir une perle rare parce que c'est un gros gaillard qui est capable de bouger à rondelle, mais il est retombé encore dans un problème de drogue. Ils l'ont collé dehors, puis ils ont prouvé à Ligue nationale que le gars a des problèmes de drogue. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été capables de briser son contrat qu'il avait signé avec Anaheim. Fait que ce gars-là allait nulle part. Il était blessé parce qu'il était sûrement gelé pendant qu'il jouait. Fait que là, lui, il est allé jouer dans le KHL. Il a connu une bonne saison. Puis le gars, il s'est dit, tabarnak, esti, je veux jouer au hockey, puis je vais faire ce qu'il faut pour me rendre au hockey. Là, il y a un essai. Ça a été plus dur pour lui. C'est normal, parce que ça fait un an qu'il n'a pas joué dans la NHL. Fait que je serais curieux de savoir s'ils vont donner une chance pour qu'il puisse jouer dans... Il n'y a pas de place. Mais tu le mets où, lui? Lui, je le signerais, mais pour l'envoyer à Laval. Un contrat tout oué. Fait que tu le mets entre les mains de Bouchard pour qu'il puisse faire de quoi. Puis si Joël! Després devient le joueur qui était supposé être à ce moment-là, ça pourrait être un plus pour Montréal parce que c'est un gros gaillard qui bouge bien la rondelle puis qui est capable de frapper. Puis défendre, mais Nangolo, naturellement, c'est Price et Niemi. Je pense que Lindgren va être gardien de but numéro 1 à Laval. Laval, ouais. Fait que Tanti-Niemi va rester numéro 2, c'est bien correct. Exactement. Puis justement, Jeff. Tu veux terminer sur un call-out? J'ai un petit call-out pour finir avant que vous allez écouter la game de hockey ce doigt, soir. Le doigt blessé de retour. Fait que je vais vous mettre le thème des call-outs et après ça, on va finir sur le call-out à Jeff. Je vous rappelle d'ailleurs que la soirée du podcast, c'est moi-même, ça dégage de tous les propos tenus par Jeff Mallette lors de ce podcast. Oui. À tous les partisans du Canadien de Montréal qui ont décidé de prendre pour Toronto ou qui complimentent Toronto, réveillez-vous. Vous êtes dans la matrice. Prenez la pilule rouge pour retourner au camp du tricolore. C'est quoi ça, tabarnak? Commencer à complimenter Toronto puis prendre pour eux autres. Parce que vous, tout ce qui compte, c'est la Coupe Stanley à Montréal. Sacrement, une coupe, là, ça se gagne pas en claquant les doigts. Là. Il y a un processus à respecter. Pensez-vous vraiment que les gens de Toronto ont pris pour Montréal pendant que Toronto connaissait des années de misère? Jamais! Ils ont décidé de continuer à encourager leur club. Tout le monde riait d'eux autres, mais ils ont été patients. Puis là, boum! Là, ça commence à bien aller. Tant mieux pour eux autres. Mais sacrement, le sti, on vient de Montréal. Notre club, c'est le Canadien de Montréal. C'est quoi ça, commencer à compléter nos ennemis? Asti, vous méritez une tape en l'air de la tête pour vous réveiller. Sacrement, prenez un café, quelque chose, ou mettez ça dans un suppositoire et crissez-vous dans le cul, asti! C'est Montréal! Go, Habs, go, tabarnak! On va l'avoir, notre Coupe Stanley. Il faut juste être patient. Mais je vous garantis une chose. Mark my words, la date, l'heure, esti, Canadiens vont gagner la Coupe Stanley avant Toronto. Je vous le dis. Oh, des grosses paroles ici. Ah ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis je vais finir mon dernier call-out. J'ai enlevé mon doigt sans le vouloir. L'émotion. Luc Lavoie. T'as même pas vu encore le... J'ai vu l'extrait. T'as vu l'extrait de deux minutes que tout le monde en parle. Luc Lavoie. Ta gueule. Ouais. J'ai aimé son argumentaire que 6 années de misère avec les Canadiens. On a tout fait la. Puis là, ils ont dit tout 3 fois qu'ils ont fait les séries. Puis pour vrai, ils ont fait les séries 4 fois avec les Canadiens. Ben, c'est ça qui arrive. Là. Fait que personne ne s'est compté. Bienvenue au hockey, tout le monde. Ah, c'est ça qui arrive quand t'as pas secondaire 5. Allez à l'école, les enfants. Ben, c'est ça. Fait que écoutez, c'est la fin du podcast. Et puis il y a un match du Canadien. On va l'écouter ça. Le dernier match pour la saison du Canadien qui commence. Donc écoutez ça. Et puis on va revenir dans 2 semaines pour un show régulier. Ouais. Et puis, on va commenter on va avoir les 2 premières semaines du Canadien. Exactement, 2 semaines de fête. On va savoir qu'est-ce qu'il y en est. On va-tu avoir 5 défaites de suite ou bien... J'ai hâte, là, parce que là, ça va compter. Domi va revenir faire sa tête folle. Ça va être le fun. On va voir Kotkaniemi en action. Ouais, puis une prédiction pour le prochain podcast. Mon plus, ça va être Drouin. Mon plus, ça va être Kotkaniemi. J'ai hâte de voir ça. On Mais va, bon. On va réviser. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Ciao tout le monde! Bonne game!